premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de l'antisémitisme. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à décrire différentes figures de cet antisémitisme. Demain, notre documentaire conçu par Alain Lefkovitch et réalisé par Thomas Duterre sera consacré à la figure de Léon Poliakov, auteur d'une monumentale histoire de l'antisémitisme et du bréviaire de la haine. Mercredi, nous nous attacherons avec Suzanne Souleyman au cas de l'écrivain Irène Némirovski, accusé parfois d'avoir succombé à la haine de soi et à un antisémitisme juif dans ses romans des années 30 et 40. Jeudi, nous approcherons le cas des rapports entre chrétiens et juifs au Moyen-Âge. Et aujourd'hui, pour débuter cette série, nous allons nous intéresser aux différentes figures de l'antisémitisme aujourd'hui avec Marianne Matar-Bonucci. Elle est professeure d'histoire contemporaine à Paris 8. Elle est spécialiste d'histoire de l'Italie fasciste et elle a coordonné le numéro de 2015 de la revue d'histoire moderne et contemporaine titré « Antisémitisme, un éternel retour » avec un point d'interrogation qui est important. Benoît Falaise sera également avec nous en deuxième partie de cette émission. Il est historien et chercheur sur l'école. Il fut un des premiers à s'intéresser au début des années 2000 à ce qu'on a appelé depuis les questions socialement vives à l'école. Et enfin, Patricia Drahi est auteur d'une thèse en sciences de l'éducation qui s'intitule « Enseigner la Shoah et les questions socialement vives ». Risques et défis, sous-titré Paroles de professeurs de collège et de lycée, publié dans la collection Logique sociale aux éditions de l'Harmattan. Elle sera avec nous également en deuxième partie de cette émission. Je suis juif, sinon par la religion que je ne pratique point non plus que nul autre, du moins par la naissance. Je n'en tire ni orgueil ni honte, étant, je l'espère, assez bon historien pour n'ignorer point que les prédispositions raciales sont un mythe et la notion même de race pure une absurdité particulièrement flagrante lorsqu'elle prétend s'appliquer, comme ici, à ce qui fut en réalité un groupe de croyants recrutés jadis dans tout le monde méditerranéen, turcos, khazars et slaves. Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas, en face d'un antisémite. Bonjour Marianne Matar-Bonucci. Bonjour. Il faut toujours commencer par Marc Bloch, et en l'occurrence la présentation du témoin dans ce très beau livre, évidemment que ceux qui n'auraient pas lu devraient se précipiter pour aller acheter en librairie, qui s'intitule « L'étrange défaite » et qui donc commence par la façon dont Marc Bloch, en tant qu'historien, se présente à ceux qui vont le lire ensuite et qui vont lire son analyse de la défaite française en 1940. « Je ne me revendique jamais juif, sinon... » Quand je suis en face d'un antisémite, dit-il, donc on voit bien combien cet historien, qui est le père d'une école avec Lucien Febvre, une école historique française très importante, l'école des Annales, est marqué par, à la fois, il raconte ensuite comment juif alsacien, ses parents ont pourtant quitté au moment du Deuxième Reich l'Alsace, comment au bout du compte, ils se sont battus pour la France à divers moments, et bien combien... le poids de l'antisémitisme des années 30 pèse sur celui qui ne voudrait pas se présenter comme tel, mais qui pense qu'il doit le faire, Marianne Matar-Bonucci. Oui, effectivement, donc il n'échappe pas à l'antisémitisme. Il en réchappe d'autant moins que lui-même, effectivement, va être confronté aux persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale, aux interdictions. Il n'aura plus la possibilité de signer de son nom ses productions dans les annales. Hein, il continuera à Fougères. Voilà. Et il y a effectivement chez Marc Bloch, et il sera assassiné à la fin de la guerre, mais en tant que résistant, en l'occurrence. Mais il y a des notations ici et là, effectivement, sur ces questions qui sont particulièrement fines hein, chez Marc Bloch, même si il n'a pas voulu faire de ce sujet quelque chose d'absolument central dans son itinéraire d'historien. Alors, vous êtes vous-même historienne de l'Italie fasciste. Et vous avez décidé, donc à Paris 8, et puis ensuite dans un numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine, de vous atteler à une question qui que vous aviez déjà traitée dans vos travaux sur l'Italie fasciste, mais qui, d'une certaine façon, pouvait apparaître soit particulière, soit marginale dans toute l'histoire du fascisme italien. Cette question de l'antisémitisme qui n'apparaît visiblement, à vous lire, qu'aux alentours de 1938 en Italie, et de vous intéresser, en tant que directrice d'un numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine, à ces figures de l'antisémitisme qui sont très variées depuis le Moyen-Âge, on en parlera jeudi, jusqu'à nos jours. Et pourquoi avoir décidé de prendre à bras-le-corps ce sujet, Marianne Matin-Bonucci? Alors, le fait d'avoir cité Marc Bloch, finalement, nous introduit déjà à la réponse que je vais vous faire, c'est qu'il y a une dimension citoyenne qui est à l'origine de ce numéro, puisque j'avais été, je ne suis pas la seule, extrêmement choquée par les manifestations dites « jour de colère » en 2014, qui avaient permis à un antisémitisme de rue, donc, de s'exprimer ouvertement avec des slogans tels que « juifs hors de France ». Et en général, je suis assez réticente par rapport aux analyses qui voient un retour des années 30 dans le paysage politique. Oui, mais c'est un fait que là, je pensais qu'il y avait effectivement une forme de levée d'inhibition qui était véritablement préoccupante. C'était aussi le moment de toutes les polémiques autour de Dieudonné, des Quenelles, etc. Donc, c'était difficile quand même, quand on est à la fois historien et citoyen, citoyenne. Et enseignant. De ne pas réagir. Et il se trouve qu'après ces événements, il y en a d'autres plus tragiques encore qui sont intervenus avec le terrorisme. Terrorisme qui n'a pas frappé que les Juifs, mais qui a aussi, il ne faut pas l'oublier, frappé des Juifs en tant que Juifs. Mmh. Et Du coup, avec d'autres collègues de l'université où j'enseigne, Paris 8, nous avons pensé qu'il était vraiment très important que les enseignants du supérieur s'engagent avec des moyens scientifiques aussi et des armes pédagogiques sur ce terrain de l'antisémitisme et du racisme. Donc un mélange entre volonté éditoriale et historienne, pourrait-on dire, de recherche, et en même temps, vous l'avez dit, un mélange de frayeur peut-être devant, en tant que citoyenne, devant ce qui semblait monter dans la société française. Oui, je crois qu'on est à la fois historien et autre chose, et quelquefois on ne fait pas forcément la partition entre les deux. Donc il y a en effet, ce numéro a été motivé par l'actualité, mais comme vous avez pu le voir, ce sont des articles de recherche, quelquefois qui sont le résultat de recherches qui ont duré des années. C'est vraiment un travail de chercheur. Et à côté de ça, depuis 2 ans, donc maintenant, avec un groupe de collègues, nous essayons, pas seulement à Paris 8, puisque nous avons un projet de création d'un GIS, c'est-à-dire d'un groupement scientifique qui fédérerait un certain nombre de laboratoires. Nous sommes convaincus que les chercheurs doivent s'emparer de ces questions, ce qu'ils ont déjà fait dans une large mesure, mais qu'ils doivent créer un pont aussi avec la société civile par le biais de l'enseignement secondaire et y compris par d'autres moyens. Alors, dans cette ouverture de la revue d'histoire moderne et contemporaine de 2015, donc le numéro 2 et 3 de 2015 de cette revue, publiée chez Belin, vous dites qu'il faut évidemment, et comme souvent en histoire aujourd'hui, vous mettez un S, un antisémitisme entre parenthèses, il faut éviter d'imaginer qu'il y a un invariant de l'antisémitisme et qu'il faut historiciser tout cela. Alors, si on vous demandait brièvement de nous dire, Marianne Matin-Bonucci, vous qui êtes spécialiste du XXe siècle, de résumer différentes figures de cet antisémitisme qui sont présentes dans ce numéro, vous nous diriez quoi ? Eh bien, il y a d'abord l'antisémitisme chrétien, que certains ont appelé anti-judaïsme. On pourra éventuellement en reparler, mais le fait d'avoir un mot différent introduit une discontinuité qui a pu masquer les réelles continuités. On en parlera d'ailleurs dans l'émission de jeudi. Et je trouve que c'est une très bonne idée, en effet, d'inviter des médiévistes. Il y a d'ailleurs dans le numéro un article d'Elsa Marmouchan, qui est médiéviste et qui traite précisément de ces continuités. Il y a aussi une moderniste, Isabelle Poutrin, ce qui est moins surprenant. Non, puisque c'est une revue aussi, en l'occurrence, d'histoire moderne. Donc, l'antisémitisme chrétien est effectivement abordé. L'antisémitisme à matrice musulmane, Iran ou islamique, comme on voudra, est aussi traité par Günther Jinkeli, qui est un chercheur allemand qui a beaucoup travaillé sur ces questions, y compris dans une perspective très contemporaine pour le coup. Et j'avais tenu aussi à ce qu'il y ait un article, et c'est Bernard Brunteau qui traite de cela, sur les manifestations actuelles de l'antisémitisme, qui sont quelquefois moins explicites que d'autres, mais qui n'en sont pas moins très inquiétantes, avec toutes les théories complotistes qui circulent, et un courant qui est porté par des gens justement comme Soral et Dieudonné, le mouvement Égalité et Réconciliation, qui a quand même une influence importante sur la jeunesse. Donc toutes ces dimensions-là, effectivement, sont présentes, ainsi que l'antisémitisme politique. Oui, alors cet antisémitisme politique, il est traité dans ce numéro de la revue d'histoire moderne et contemporaine par Laurent Joly ou par encore Isabelle Bacouche et Sarah Gainsburger, donc sur la question de la question du logement en particulier pour Isabelle Bacouche et Sarah Gainsburger. Et vous-même, vous vous attelez à une question qui est une question compliquée dans cette revue d'histoire moderne et contemporaine, Marianne Matar-Bonucci, et dont vous dites que c'est une question qui est assez peu traitée par les historiens, c'est la question de la frontière entre ceux qui sont juifs et ceux qui ne le sont pas, et donc là, le demi-juif, le Mischlinge ou le Misti, donc en différentes langues, l'incertaine ligne de partage des persécutions antisémites. Et vous expliquez dans cet article, effectivement, que c'est un cas compliqué pour les antisémites que de savoir qui est juif et qui ne l'est pas, et que cela a longtemps taraudé tous les penseurs de la race depuis la fin du 19e siècle, Marianne Matar-Bonucci. Tout à fait. Alors, vous parliez de frontières. C'est vrai que le numéro, je vais revenir sur mes propres recherches, mais le numéro interroge beaucoup cette question des catégories, effectivement. Vous faisiez allusion à l'article d'Isabelle Bacouche et de Sarah Gainsburger, qui est très intéressant parce qu'il montre justement comment, à la faveur des spoliations, et en particulier les spoliations qui concernaient donc le logement à Paris, eh bien se manifeste une forme d'antisémitisme d'opportunité, si je puis dire, insidieux. Des gens profitent du contexte, effectivement, pour pouvoir s'emparer donc des biens des Juifs sans se poser particulièrement de questions, parce que il y a une tradition longue, précisément, de l'antisémitisme qui peut être remobilisée à tout moment. Dans les années 2000, on avait organisé à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui était l'université où j'enseignais, un colloque sur les racines culturelles de l'antisémitisme contemporain, qui a été publié sous le titre Antisémite, avec un Y. Et je crois que, même si on malmène un peu l'étymologie, c'est important de dire qu'il existe effectivement une culture insidieuse, diffuse de l'antisémitisme, qui est prête à resservir, je dirais, à chaque occasion. Alors, pour ce qui est donc des demi-juifs, c'est en effet... La peur du métissage, d'une certaine façon. C'est aussi... Et la peur du métissage, c'est un sujet qui m'occupe en ce moment. Je travaille d'ailleurs sur l'Italie, mais aussi sur la France de Vichy désormais. Et ça a été une question qui a à la fois fasciné et beaucoup déstabilisé les antisémites, donc qui étaient convaincus que le métissage, dans toutes ses acceptions coloniales ou religieux, était quelque chose d'extrêmement néfaste, donc. Et l'Allemagne nationale-socialiste, avec les lois de Nuremberg, interdit, comme on le sait, les mariages mixtes et d'ailleurs aussi les relations sexuelles entre les juifs et les chrétiens, parce qu'il y avait cette crainte, donc, d'une forme de contamination des ariennes, je mets des guillemets, par les juifs. Alors, la France et l'Italie... n'ont pas créé de catégories spécifiques comme ça a été le cas en Allemagne, de Mischling, Mischlinge, où il y avait même des quarts, des demi, enfin il y avait un grand raffinement dans la classification, mais l'Italie a interdit les mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages mixtes qui avaient valeur civile, alors que la France n'a pas osé aller jusque-là. Pourquoi ? Parce que il y aurait sans doute eu, enfin c'est une question qu'il faudrait creuser, mais des pressions du Saint-Siège, et paradoxalement les Français auraient peut-être été plus sensibles à cela que les Italiens, pour ne pas aller jusque-là dans la persécution, alors que c'est ce que voulait Darquier de Bellepoix. Mais je trouve que cette question est en effet très intéressante parce qu'elle permet de voir que cette histoire-là des persécutions anti-juives n'est évidemment pas que l'histoire des juifs, mais qu'elle implique la société dans son ensemble. Et donc là, on se trouve à la frontière des parias et de ceux qui ne l'étaient pas. Et donc, oui. Et donc, ces années 30 sont particulières parce que vous disiez tout à l'heure, Marianne Mazzaro-Bonucci, il y a une sorte de petite musique qui nous dit régulièrement, nous revenons aux années 30. Vous dites, faisons attention parce qu'il faut historiciser tout cela, effectivement. Et il y a même des historiens qui pensent que nous sommes en train de revenir aux années 30. Parce que, entre cette période-là, les années 30 et aujourd'hui, il y a eu la Shoah. Il y a eu également la création de l'État d'Israël. Il y a eu tout un tas de nouveautés. Il y a eu les indépendances de très nombreux, enfin, de tous les pays arabes par rapport à leurs colonisateurs. Et qu'il y a eu des changements géopolitiques, des changements politiques, des changements culturels. Des regards qui ont évolué et qui, évidemment, font que le début du XXIe siècle ne ressemble en rien au début du XXe ou à l'après-Première Guerre mondiale, Marianne Mazzaro-Bonucci. Oui, alors il y a eu en effet des changements importants. La Shoah a évidemment représenté un tournant majeur parce que elle a provoqué pendant quelques décennies, peut-être deux décennies, une forme de... d'interdit quand même sur l'expression ouverte justement d'une pensée raciste et antisémite. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ces interdits sont peu à peu effectivement en train de se lever, et ça c'est très inquiétant. Alors cette question de la Shoah, elle est en effet, il faut la penser et la problématiser, parce que je crois qu'il est quand même important de pouvoir dire que il y a eu des formes d'antisémitisme qui ne procédaient pas d'une volonté d'exterminer les Juifs, qui n'en ont pas moins contribué effectivement à préparer le terrain. Mais je crois qu'il faut pouvoir aussi étudier donc toutes ces manifestations d'intolérance en amont de la Shoah, sans nécessairement les raccorder à la Shoah, parce que, après tout, je veux dire, qu'il y ait massacre de masse ou pas, toutes ces formes d'hostilité identitaire sont à combattre, hein, me semble-t-il, et sont à analyser. Alors, on parlera tout à l'heure de l'enseignement, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose à repenser, non pas sur la nécessité d'enseigner la Shoah et les génocides au lycée, je pense, et au collège, mais sur le pouvoir qu'on a pu prêter à cet enseignement comme étant une forme de vaccin, d'une certaine façon, de vaccination contre le retour donc de formes d'antisémitisme et de racisme. Pour dire les choses autrement, je ne sais pas si les deux invités seront d'accord avec cela, mais je trouve ça très étrange que, au fond, cet enseignement de la Shoah intervienne alors qu'il n'y a pas eu véritablement d'enseignement historique sur l'antisémitisme, sur l'antisémitisme chrétien, sur les racines longues, précisément, de l'antisémitisme. On en parle un petit peu, je pense, au moment de l'affaire Dreyfus, peut-être à propos de l'histoire de la Troisième République, mais la Shoah arrive comme ça, je dirais, précisément sans que les élèves ne puissent, je veux dire, c'est un événement qui est déjà très difficile à comprendre pour les historiens et je dirais a fortiori dans ce cadre-là. Eh bien, puisque vous lancez la discussion un peu plus tôt que nous l'avions prévu, eh bien, nous allons l'ouvrir avec donc Patricia Drahi, bonjour. Bonjour. Et avec Benoît Falaise, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes historien de l'école, Benoît Falaise, et je disais tout à l'heure que vous étiez intéressé avant d'autres peut-être, en tout cas, à ce qu'on appelle maintenant les questions socialement vives. C'est pas comme ça que vous l'appeliez au début des années 2000. Non, on appelait ça les questions sensibles de l'enseignement de l'histoire. Voilà, d'accord. À titre plus simple. Et je voudrais dire que la discussion intellectuelle autour de ces sujets est née d'un groupe de réflexion et notamment d'une philosophe, Sophie Ernst, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là à la fin des années 90 et qui avait lancé un programme de recherche à l'Institut National de Recherche Pédagogique sur ces questions-là. Sur ce que vous venez de dire, si vous me permettez de réagir tout de suite. Bien sûr, puisqu'elle vous pose une question, allez-y. C'est tout à fait vrai. Et c'est une des choses que nous soulignons depuis 15 ans à peu près. C'est-à-dire que vous avez très bien résumé, nous avons l'affaire Dreyfus, nous avons la Shoah, mais nous n'avons rien ou presque rien sur l'histoire du judaïsme, notamment le judaïsme médiéval. L'évocation tout à l'heure de la distinction entre anti-judaïsme et antisémitisme, par exemple, est parfaitement laissée sous silence dans l'immense majorité des salles de classe. C'est-à-dire que non seulement il n'y a rien sur l'antisémitisme, comme vous le dites, ou rien sur même l'histoire du racisme, hein, qui pourrait être en soi un sujet fondamental, mais il n'y a rien sur l'histoire du judaïsme, sur quelque chose de positif, de valorisant, quelque chose qui permettrait de comprendre les sociétés contemporaines. Et donc, cela, vous l'expliquez comment ? Alors, on va vous répondre, de moins en moins d'heures de cours, comment peut-on faire pour pouvoir faire en sorte de traiter cette histoire longue, justement, et faire en sorte que la Shoah n'arrive pas, après l'affaire Dreyfus, comme un événement, ce qu'il est exceptionnel, ce qu'est la Shoah, bien évidemment, un événement monstre, mais sans aucune racine, d'une certaine façon. Comment faire pour pouvoir, justement, relier cela dans un temps qui est évidemment forcément contraint et qui peut-être permettrait de mieux comprendre cette évolution historique dont nous parlait au tout début de cette émission Marianne Matar-Bonucci, Benoît Falaise. D'une certaine manière, la réponse est contenue dans votre question. Hein. La question du temps, la question des contraintes, la question aussi peut-être des enjeux de mémoire qui se sont imposés à la société française et à l'école tout entière dans les années 80-90. C'est-à-dire qu'on a là quelque chose qui est une urgence à répondre à cette question de l'antisémitisme ou une urgence à comprendre pourquoi on a mis tant d'années à l'école à aborder la question frontalement de la Shoah et de l'histoire de l'extermination des Juifs. Je crois qu'il y a là aussi une autre question qui doit être posée, c'est la question de la formation des maîtres et des professeurs du secondaire. Patricia Drahi, vous qui avez justement interrogé pour votre thèse en sciences de l'éducation des dizaines de professeurs de collège et de lycée sur cet enseignement de la Shoah et des questions socialement vives, comme on les appelle aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent justement de cette difficulté, s'il y en a, à enseigner l'histoire de la Shoah et peut-être de ces manifestations qui sont régulièrement relayées dans les médias d'un antisémitisme en classe? Oui, alors avant de, je voulais préciser et poser que j'interviens aujourd'hui en m'appuyant sur cette enquête de terrain. Mm-hmm. C'est vrai que, comme le disait Madame Bonucci, on est chercheur, professeur et autre chose, et citoyen, et donc c'est très important pour moi de garder cette ligne. Mm. Donc effectivement, j'ai interrogé 30 professeurs d'histoire essentiellement, mais pas seulement, des professeurs qui avaient pu s'investir dans des projets mémoire à une époque où effectivement des difficultés pouvaient commencer à apparaître dans l'enseignement, enfin dans cet enseignement, pour cet enseignement. J'ai fait des entretiens longs où ils ont eu le temps de livrer leur expérience de l'intérieur de cet enseignement, c'est-à-dire quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient, comment ils les percevaient, ces difficultés, et surtout quelles étaient les stratégies éducatives, didactiques, pédagogiques qu'ils pouvaient mettre en œuvre pour s'y confronter. Je tiens à préciser qu'un biais est apparu dans mon échantillon assez vite, c'est-à-dire que les professeurs qui acceptaient de répondre à cette sollicitation d'entretien étaient des professeurs expérimentés pour une immense majorité et impliqués, qui se sont sentis concernés et qui ont donc cherché des solutions. Je voulais rappeler aussi, parce que c'est important, que lorsque je me suis saisie de cet objet de recherche, donc j'ai commencé à réfléchir 2005-2006, j'ai commencé ma thèse en 2008, et mes entretiens ont lieu entre 2008 et 2012, c'est-à-dire s'arrêtent en janvier 2012. Mmh. C'est un hasard, mais c'est ainsi. Il y avait une controverse, c'est-à-dire que l'existence même de la recrudescence d'un courant antisémite en France était controversée, voire contestée, et parmi ceux qui le reconnaissaient, les causes qui étaient dans le débat d'opinion, dans le débat public, les causes qui étaient avancées étaient controversées. Pour faire simple, pour certains, la matrice essentielle de ces manifestations était d'ordre sociologique, était liée à la situation de frustration, enfin le sentiment de frustration lié à la relégation sociale et scolaire de population, qui étaient selon eux stigmatisés et déjà fragilisés socialement et scolairement. Et pour d'autres, il s'agissait bien d'un antisémitisme, d'un renouveau de l'antisémitisme, portée par la poussée de l'islamisme radical, mondialisée par les réseaux sociaux, et ça, le contexte Internet est important. Donc moi, j'arrive dans ce contexte un petit peu difficile, où il est difficile de trouver, et surtout en sciences de l'éducation, c'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de trouver des solutions pour les formations, les professeurs en formation initiale et continue qui ont parfois des appréhensions pour traiter. Alors, qu'est-ce qui apparaît concernant l'antisémitisme dans les résultats de cette recherche? Plusieurs types de difficultés qu'il faut effectivement distinguer. Les réactions outrancières du type apologie de la Shoah, le « c'est bien fait pour eux » existe. Alors, j'ai interrogé des professeurs sur tous les terrains sociologiques. Mmh. Ça, c'était important pour moi. Ce sont seuls les professeurs enseignants dans les établissements des quartiers sensibles me les signalent. Mmh. Ils me disent aussi, ils tiennent à me le dire, c'est en général une minorité d'élèves qui sont... Deuxième type de difficulté, les représentations stéréotypées, antisémites, classiques, pour faire simple, les juifs sont riches et dirigent le monde, profondément ancrées. La différence entre le terrain socialement mixte et puis le terrain sensible, c'est peut-être qu'en terrain sensible, ça se dit de manière plus désinhibée, devant le professeur, comme un peu un élément de connivence entre jeunes. Et le troisième type de difficulté qui se trouve sur tous les terrains, c'est cette relativisation de la Shoah, avec sous la forme de... On en parle trop, il n'y a pas que, et pourquoi pas les autres, et si on fait la liste que j'ai recueillie des victimes dont on pourrait pas... Donc l'idée que les victimes, ce que Michel Wieworka avait mis en avant en 2005, que les juifs, même victimes, seraient privilégiés, et ça... Est-ce que ça a à voir avec l'antisémitisme? On peut pas l'affirmer, et ça dépend comment on nous pose la question, etc. Mais je pense que c'est une question à poser. Oui, comment peut-on... un professeur me disait, de la part d'adolescents, on attend plutôt une empathie spontanée par rapport à un massacre de masse et, qui s'est passé en Europe, et dans l'Europe post-révolutionnaire, tout de même, dans une Europe. Et ce qu'on a... au mieux, c'est la suspicion. C'est pourquoi toujours eux. Alors, on viendra tout à l'heure à ce que vous suggérez de possible, justement, face à ces manifestations dans les classes. Patricia Drahi, dans votre travail de thèse sur enseigner la Shoah. Benoît Falaise, Patricia Drahi dit quelque chose d'intéressant, c'est que, dans un premier temps, les chercheurs et les gens qui s'intéressaient à ces questions et même les enseignants eux-mêmes ont dit c'est social, c'est une question sociale, etc. Et vous semblez suggérer maintenant qu'il y a évidemment cette question sociale qu'il ne faut absolument pas exonérer des raisons de cette remontée d'un antisémitisme dans les classes et dans les collèges et les lycées, mais qu'il y a peut-être autre chose, Benoît Falaise. Oui, c'est-à-dire que, en fait, c'est un débat. Il faudrait un préalable de prudence immédiat. Chacun d'entre vous avance en mettant des précautions. Déjà, appeler ça question socialement vue, c'est déjà prendre beaucoup de précautions pour pouvoir... La didactique l'appelle comme ça. la question de la prudence, pourquoi? C'est que, d'abord, c'est un sujet qui est totalement instrumentalisé. Voilà. Idéologique. La presse, les hommes politiques. Absolument. On est sans cesse sommé, et l'école est sommée de répondre à la question « Pourquoi vous n'enseignez pas la Shoah ?» ou alors « Pourquoi vous l'enseignez mal ?» ou « Pourquoi vous ne luttez pas assez contre l'antisémitisme ?» Enfin, toutes ces questions. Ou « Pourquoi vous êtes islamophobe ?» ou « Pourquoi l'école est islamophobe à travers la laïcité ?» Enfin, et tout ça se mélange dans une sorte de discours plus compliqué les uns que les autres. Donc vous voulez dire qu'il y a des grands pièges qui sont ouverts dans lesquels il ne faut pas tomber. Si on pouvait parler sereinement de ces questions-là, et notamment ne pas rendre incompatible le fait qu'on puisse faire une analyse sociologique des raisons qui font que dans certains quartiers ou dans certains établissements scolaires, on puisse se retrouver avec des manifestations antisémites ou des représentations antisémites, et en même temps le fait que on puisse avoir des difficultés didactiques. La question de transmettre, par exemple, la Shoah ou de tout simplement transmettre la question de l'antisémitisme. C'est une question que pose quand même Primo Levi dans son dernier ouvrage traduit en français « Les Allemands » de Norbert Elias. Enfin, tous posent la même question. C'est-à-dire, il est très difficile de parler de ça. Il va être très compliqué de parler de ça. Mais est-ce que pour autant nous devons abdiquer la prétention intellectuelle ou sociologique de réfléchir le monde tel qu'il est ? Parce que qu'est-ce qui a polarisé le débat ? Je réponds directement à votre question. C'est le fait qu'en même temps qu'on commençait à travailler sur ces questions, Sophie Ernst, François Jacquet-Francillon, l'équipe de l'Académie de Versailles que je coordonnais à l'époque avec Laurence Corbel, c'est le fait que les territoires perdus de la République étaient parus en 2002. Et dès lors, tout était à la mesure du débat, de la controverse qui était en train d'être. Et moi, j'ai voulu absolument ne jamais rentrer dans le débat parce que il n'était surtout pas question de dire ce sont d'abord des raisons sociologiques et pas des raisons d'antisémitisme. Donc, on est dans une difficulté, là, intellectuelle, j'allais dire, de réflexion sur, sur finalement, un terrain où il y a très peu d'enquêtes. C'est pour ça que je suis très content que Patricia Drahi soit là. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nanny, hey, nanny. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. La formidable voix de Leonard Cohen pour You Want It Darker. Alors, Marianne Mater-Bonucci, nous sommes dans cette émission qui ouvre notre série consacrée à l'histoire de l'antisémitisme et nous nous posons la question des figures de l'antisémitisme historique. Vous l'avez posé brièvement en ouverture de cette émission, mais aussi de ces reconfigurations que nous connaissons aujourd'hui, de cet antisémitisme moderne et contemporain, pour reprendre le titre de la revue d'histoire moderne et contemporaine que vous avez coordonnée sur cet éternel retour. Et là, évidemment, avec les deux personnes qui sont avec vous dans cette discussion, Benoît Falaise et Patricia Drahi, nous avons des figures totalement nouvelles qui réinterprètent la question de l'antisémitisme classique tel qu'il était, il s'était développé en Europe, en particulier à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Oui, donc on revient à ces questions extrêmement sensibles. Et il y a dans le numéro un article de Samuel Guillès-Mella, qui est un sociologue, qui est très intéressant, qui pose la question justement de comment on mesure l'antisémitisme et comment on le caractérise aujourd'hui. Alors, on a pu dire que l'un des nouveaux visages de l'antisémitisme était l'antisionisme. Ça fait partie des sujets sensibles parce que certains disent on doit pouvoir critiquer la politique de l'État israélien sans être taxé d'antisémitisme, ce qui est vrai, mais reste que dans beaucoup de ces discours antisionistes, on retrouve très souvent effectivement des matrices qui sont bel et bien l'antisémitisme. Un des nouveaux visages de l'antisémitisme, c'est aussi le complotisme, c'est-à-dire l'idée qu'en effet il y aurait une espèce, au fond les juifs sont identifiés à l'Occident, au capitalisme, aux colonialistes, hein, et ils tirent les ficelles, que ce soit depuis les États-Unis, Israël, etc. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on trouve effectivement sur des sites comme Égalité et Réconciliation. Mais qui est tout de même une recharge, pourrait-on dire, d'une figure classique de l'antisémitisme. Voilà, qui est absolument, les continuités là sont, et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à montrer à des élèves, justement, y compris par exemple à travers l'image, hein, puisque la caricature antisémite véhicule ces continuités, c'est comment ce discours discours, au fond, se recyclent perpétuellement, mais portés par des acteurs différents. Qui sont différents. Et il y a cet antisémitisme. Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose qui suscite des débats, parce que certains ne veulent rien en savoir, à matrice musulmane, mais moi je n'hésite pas à parler d'un antisémitisme chrétien, et je pense qu'on peut aussi parler d'un antisémitisme ou à matrice musulmane, qui est l'un des visages actuels. Je me souviens que j'avais participé à Lyon à une table ronde autour de la question de l'islamophobie. Il y avait des représentants d'associations musulmanes et d'associations d'amitié aussi judéo-musulmanes. Une dame était intervenue parce que certains ne voulaient rien entendre à ce sujet et prenaient ces accusations comme étant des manifestations d'islamophobie. Hein. Et une dame est intervenue en disant, écoutez, moi je dois quand même raconter que dans ma famille, quand il y a des moments où les gens rient beaucoup, quelqu'un parfois dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un juif qui est mort. Bon, vous voyez, il y a eu toutes sortes d'anecdotes comme ça qui sont sorties et qui montrent qu'effectivement, il y a là aussi cette tradition d'antisémitisme. Mais l'anecdote ne résume pas, disons, toute une culture, soit toute une civilisation, en l'occurrence. Non, et c'est pour ça que je crois qu'il faut historiciser ces questions-là, en montrant qu'il y a une histoire longue de rivalité entre religions monothéistes, qui est effectivement liée aussi à des questions de domination politique. Albert Memmi avait une formule que j'aime bien, à propos du racisme et de l'antisémitisme, parce qu'avec raison, il estimait qu'il fallait s'attaquer à toutes ces facettes des hostilités identitaires. Il disait, au fond, c'est un peu comme ces vieux monuments anciens et très laids qu'on finit par ne plus voir parce qu'ils sont complètement intégrés dans le paysage. Et si vous me permettez juste une chose, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vos deux invités, je suis tout à fait d'accord avec eux, disaient, c'est vrai que les pouvoirs publics, finalement, je pense peut-être parce qu'on ne sait pas bien comment faire et parce que ça touche à des questions extrêmement sensibles, notamment celles des responsabilités aussi historiques de l'Église sur ces sujets-là. Hein. Et du coup, plutôt que d'affronter ces questions, on les évite et on arrive directement à la Shoah ou au colonialisme. Mais il y a tout un substrat qui nous manque. Patricia Drahi, dans votre travail donc, qui s'appelle « Enseigner la Shoah et les questions socialement vives », que vous avez réalisé à partir d'entretiens, d'une trentaine d'entretiens avec des professeurs de collège et de lycée, pour beaucoup des professeurs d'histoire, quelles sont les solutions que trouvent les professeurs quand ils se trouvent confrontés justement à une sortie en classe dont on pourrait penser qu'elle est antisémite ou qui est antisémite? Ouvertement antisémite. Qu'est-ce que font les professeurs? Il y a une façon de contourner justement l'obstacle ou au contraire de l'affronter directement? Alors, ce sont des professeurs. Enfin, j'ai établi le répertoire des actions et des attitudes jugées efficaces dans ces situations-là à partir de discours de professeurs qui acceptent de nommer les difficultés avec plus ou moins de difficultés. Mais enfin, en général, dans l'entretien, le mot antisémitisme arrive. Ça peut commencer par des bêtises et certains commencent directement par dire c'est de l'antisémitisme. Et peu importe des représentations, tout le monde en a. Ce qui est grave, c'est pas tellement qu'elles arrivent en classe, c'est de ne pas répondre. Hein. Donc ces professeurs, ce qui les relie, je pense, c'est la volonté de se confronter à ce savoir social, à ce que les sociologues appellent le savoir social, cet ensemble de croyances, de stéréotypes, mais dans un cadre. Si je peux résumer, c'est faire dire, mais ne pas laisser tout dire. C'est d'installer un cadre. Plus avec consciemment ou dans l'interaction spontanée, structuré et structurant, c'est-à-dire ramener inlassablement, et c'est fatigant, hein, il faut beaucoup d'énergie, de volonté, de détermination, au savoir historien, au savoir scientifiquement validé et à la loi, au repère éthique citoyen. Alors, soit dans l'interaction spontanée quand ça surgit, parce que l'école aujourd'hui n'est pas un sanctuaire, est une caisse de résonance, et on en vient à la notion de question socialement vive, soit dans des projets préparés, conscientisés, etc. Mais il ne s'agit pas de nier. Finalement, si c'est une représentation antisémite, oui, dire que les juifs sont tous riches, ou qu'ils sont riches, parce que bon, il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup d'illustrations hein, dans mon livre d'interaction situation de vie de classe parce qu'ils ont été indemnisés c'est de l'antisémitisme, c'est des représentations antisémites. Il faut y aller. Et l'enjeu, il est sociétal, hein, c'est rester ensemble, aller les chercher. Et éviter la séparation, parce qu'une grande majorité, à mon avis, de ces jeunes, aiment la controverse, aiment discuter, aiment échanger, et il faut aller les chercher et par le savoir, et voilà. Benoît Falaise, on peut dire aussi que pendant un temps, en particulier pour cet enseignement de la Shoah, on a compté sur une médiation qui était au-delà de la médiation des professeurs eux-mêmes, c'était la présence par exemple de résistants ou d'anciens déportés des camps d'extermination qui d'une certaine façon par le témoignage de ce qu'ils avaient vécu pouvaient servir de médiation donc entre cette histoire vécue et les jeunes élèves. Évidemment, la distance de temps s'accroissant entre aujourd'hui et la Seconde Guerre mondiale, ça n'est plus guère possible. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce moment qui a été un moment où on pensait que justement la parole des victimes des persécutions raciales allait permettre de faire de percoler, pourrait-on dire, avec les idées reçues dans les classes? Oui, j'avais travaillé sur cette question précisément et notamment sur la valeur de l'incarnation de l'histoire par les témoins. Et il est très frappant de voir que dans les situations de classe, y compris avec des élèves qui peuvent proférer des propos antisémites ou des provocations, parce que Théo Klein disait, attention, ce sont des adolescents d'abord, et s'ils veulent emmerder le monde, ils le font. Donc il faut aussi... c'est la question de la mesure de l'antisémitisme. Un adolescent sait bien emmerder le monde. Et il sait bien emmerder le monde, en plus, dans une institution scolaire qui fait de la Shoah ou de l'enseignement de l'histoire de la Shoah, un point d'orgue d'une certaine manière de la classe de troisième ou de la classe de première. Donc on sait où taper si on a envie vraiment de déstabiliser l'enseignant. Mais le témoignage, dans l'immense majorité des cas, fonctionne, y compris dans toutes les classes. Il y a quelque chose, une passation, il y a une transmission. On a des situations. Pourquoi? Alors, ça s'explique aussi parce que certains témoins sont interrogés sur « Oui, mais dame ou monsieur, vous regardez ce que les Juifs font maintenant en Palestine. » Mais beaucoup de témoins sont eux-mêmes pro-palestiniens et donc le disent. Eh ben, il faut se battre pour la démocratie, il faut se battre pour plus de justice, il faut se battre. Et donc, ça démine, ça désarçonne. Oui, mais ça, c'est une solution malheureusement temporaire. Oui, absolument. C'est la véritable question. C'est une des difficultés que j'ai pointées très récemment pour le colloque organisé par Vincent Duclair autour des génocides. C'est la question de la disparition des témoins. Et qu'à un moment donné, il va bien falloir... Parce qu'il y a une différence entre une vidéo d'un témoin qui parle en classe et quelqu'un qui vient en chair et en os expliquer la question. La question des réussites éducatives, je voudrais juste revenir là-dessus très très vite, c'est aussi la maîtrise des contenus. Mais pas seulement la maîtrise des contenus sur l'enseignement de la Shoah, c'est la maîtrise des contenus sur la question israélo-palestinienne. C'est la question des contenus, y compris la maîtrise des contenus, y compris de la sociologie française. Et c'est la possibilité pour un professeur de s'abstraire des consignes, par exemple, si on lui demande... de faire la comparaison entre la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui ou depuis 1948, c'est de se dire, bah, tout qu'on sait, c'est peut-être plus urgent que je traite cette question-là pour pouvoir justement déminer la question plutôt que d'attendre l'année suivante qu'un nouveau contingent d'élèves arrivant dans une nouvelle classe puisse le traiter, Patricia Drahi. Alors écoutez, il y a un professeur, je pense qu'il faut répondre de toute façon, sans forcément faire un cours sur le conflit israélo-palestinien. Moi, ça m'est déjà arrivé en tant que professeur de français d'être face à ce type de difficulté. Il faut répondre, le conflit israélo-palestinien, il n'y a pas de génocide. Ou alors, et c'est à ce moment-là que je m'appuie sur les distinctions entre un génocide et un conflit, où il y a des morts des deux côtés, même si le rapport de force fait qu'il y a plus de morts d'un côté que d'un autre. Alors, ils sont très étonnés, parfois, et là je me souviens, m'a dit « faut voir », mais en tout cas, vous comprenez, en réagissant, j'ai introduit le doute, je suis rentrée dans l'échange. Et ça, c'est très important, qu'un élève dise « avec ce qu'ils font palestiniens, c'est pas grave en soi », il l'entend, il le répète. Ce qui est grave, c'est qu'un prof ne puisse pas répondre ou n'ait pas envie de répondre. Marianne Matarno-Monucci. Oui, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas asséner des vérités, mais il faut en effet expliquer. Bon, c'est ce que font les enseignants en général. Simplement, sur cette question-là du racisme et de l'antisémitisme, on la contourne. Hein, on la contourne et je crois qu'il faut la réintroduire en considérant que malheureusement c'est pratiquement ce qu'on pourrait assimiler à une force profonde de l'histoire, hein, comme d'autres, c'est-à-dire que c'est présent depuis des siècles et des siècles et que ça semble en changeant de figure avec de nouveaux avatars sans arrêt et que ça semble aberrant au fond de pas l'aborder. Alors je crois que c'est lié aux stratégies successives de l'antiracisme qui se sont développées après la guerre, c'est-à-dire qu'on s'est d'abord dit, il faut, ça c'est la doctrine de l'UNESCO, il faut au fond se connaître les uns les autres, hein, et enseigner les différentes cultures qui sont bien rentrées dans les programmes à un moment donné, et c'est en effet très important, mais c'est pas suffisant. Après on s'est dit, c'est la Shoah. Bon, et la Shoah, on a bien vu non seulement que ça ne suffisait pas, mais que ça pouvait même, quelquefois, Madame l'a rappelé, avoir des effets contre-productifs. Mmh. Et donc, je crois que maintenant, il faut faire confiance à l'intelligence des enseignants et à l'intelligence des élèves. Toujours faire confiance à l'intelligence des enseignants. Il faut les former sur ces questions. Et il y a malheureusement assez peu de formation continue dans l'éducation nationale. Malheureusement. On a expérimenté ce type de choses. Et je dois dire qu'il y a une grosse demande dans le cadre du plan académique de formation l'année dernière. Et il y a effectivement une grosse demande des enseignants de ce point de vue-là. Et les pouvoirs publics ne doivent pas considérer que l'antiracisme est une question militante. Mais l'école, véritablement, doit s'en emparer. Benoît Falaise, pour conclure. Oui, c'est bien une question didactique et de formation. C'est-à-dire que on voit bien qu'au-delà même de la question de l'antisémitisme, c'est la question de la technique du débat. C'est-à-dire être capable de discuter et de préparer un espace démocratique avec les élèves qui nous sont confiés. Et à partir du moment où on est... C'est vrai que l'obligation, par exemple, de débattre de Charlie après les attentats de Charlie il y a un peu plus de 2 ans, effectivement, a désarçonné et les enseignants et les élèves qui, peut-être, dans certains endroits, n'avaient pas l'habitude de débattre de cette façon, par exemple. La prescription était la minute de silence et le conseil du ministère de l'Éducation nationale, c'était le dialogue. Mais c'était d'écouter, justement, la parole. C'était, mais juste pour revenir sur la question du débat, pour dire, c'est que quelle est la principale difficulté à laquelle se heurtent les enseignants? C'est le fait que, en gros, ils le disent comme ça. C'est-à-dire, on sait quand on ouvre le débat, mais on sait pas à quel moment on ferme la porte du débat. Et le fait de pas pouvoir clôturer ou de pas pouvoir terminer un débat de manière satisfaisante à leurs yeux est une des principales difficultés aujourd'hui. Merci. Un dernier mot, Patricienne Rail, très brièvement. Alors, 2 mots. Un des résultats de ma recherche, je sais que... Alors là, il faut que je sois très prudente et très nuancée. C'est que un certain nombre de professeurs interrogés disent qu'ils se sont sentis très seuls et qu'ils ont eu du mal à se sentir soutenir par une équipe éducative sur ces sujets-là. Donc, ils parlent de ce sentiment de solitude. Donc ça, c'est important. Hein, la question des adultes. Je suis pas en train de faire de généralité. Et surtout, donc finir sur un point positif, c'est qu'il y a des tas de professeurs partout en France qui se sont affrontés à ces difficultés avec courage. Et c'est pour ça que je les ai catégorisés comme étant des combattants. Mais disons que c'est un optimisme combattant, lucide, vigilant et persévérant. Qui caractérise ces enseignants. Merci à tous les trois d'être venus pour pouvoir évoquer ces questions à la fois de figures de l'antisémitisme, mais aussi des renouveaux de ces figures contemporaines à l'école. Donc, votre livre s'intitule « Enseigner la Shoah et les questions socialement vives », Patricia Drahi, et c'est dans la collection « Logique sociale » à l'Harmattan. On peut toujours lire, bien évidemment, la revue d'histoire moderne et contemporaine de 2015 que vous avez coordonnée, en l'occurrence Marianne Matar-Bonucci, et aussi, je crois, sur le site @histoire-politique, un article justement sur ces questions d'enseignement du racisme et de l'antisémitisme aujourd'hui. Et à propos d'antisémitisme, écoutons un petit extrait du documentaire que nous diffuserons demain. Il est signé Alain Lefkovitch et Thomas Duterre et il s'attache à la figure absolument attachante, il faut bien le dire, de Léon Poliakov qui se posait cette question: pourquoi ont-ils voulu me tuer? Alors, carte d'identité Robert Paul, donc nous l'appelions Paul, puisque maman l'a rencontré sous le nom de Paul. Hein. Employé, né à Lesquin, dans le Nord, fils de Jean et Adrienne Bourserie, nationalité française. Voilà, donc ça c'est sa fausse carte d'identité. Quand est-ce qu'il a été démobilisé? L'armée à Leningrad, infanterie. Waouh, elle est très abîmée. Ah, Saint-Valery-en-Caux. Oui. Il a été fait prisonnier à Saint-Valery-en-Caux, qui était à l'époque en Seine inférieure. Oui. Le 12 juin 40, il s'est retrouvé au stalag de Doullens. Et il a été évadé, effectivement, prisonnier évadé, 2 septembre 40. Donc ensuite démobilisé. Hein. Les évadés ont été démobilisés. En gros, vous avez une bande de types qui sortent de nulle part. Schneerson, Polyakov, Billy, tous ces gens-là, c'est des philosophes, des juristes, des journalistes, des poètes, qui ont la même idée que ce que font les services secrets aux États-Unis ou au Royaume-Uni au même moment, c'est d'utiliser des sources publiées pour en tirer de l'information et en fait du renseignement. Vous avez ce qu'on appelle les bottins. C'est toutes les informations qui ont été compilées à partir de 1943-1944 en exploitant le JO. Et par exemple, quand la mission Matteoli avait été chargée sous Juppé puis Jospin à la fin des années 90 d'étudier la politique de spoliation sous Vichy, un de leurs premiers travaux a été d'aller voir ces fameux bottins qui avaient été créés par le CDJC comme source initiale. Alors évidemment, ce n'est pas une source infaillible, mais c'est une source qui a été utilisée par les historiens pendant 40 ans, et puis qui montre comment est-ce que ces gens-là ont travaillé dans la clandestinité. À l'époque, Polyakov n'est pas encore historien, c'est juste un résistant juif qui se cache. Ben c'est ça qui est impressionnant avec ces hommes-là, dont Polyakov est évidemment le plus visible d'entre tous, parce que c'est celui qui a eu la carrière la plus brillante, et aussi la seule couronnée d'un point de vue universitaire, enfin, même s'il y en a un autre qui est beaucoup plus jeune et qui est toujours en vie, qui est Serge Klarsfeld, qui a un peu ce profil-là, c'est qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas historiens de formation et qui, à cause de l'événement qu'ils sont en train de vivre, vont devenir historiens. Voilà un extrait du documentaire Léon, Paul et Polyakov de Alain Lefkovitch et Thomas Duterre, avec, on a entendu les voix d'Aline Polyakov, d'Annette Wiewiórka et de Tal Brutman sur cette figure donc de Léon Polyakov, grand historien de l'antisémitisme. Avant de se quitter, vous vouliez ajouter quelque chose, Benoît Falaise, comme un repentir de fin d'émission? Attendez. Oui, allez-y. Il faut rendre justice du travail quotidien des enseignants et de beaucoup d'enseignants qui, dans toutes les disciplines, j'ai l'exemple là du prix spécial du jury du concours national de la déportation et de la résistance, où on peut, en musique, en histoire, en littérature, travailler très convenablement et de manière remarquable avec les élèves. Et c'est important de le dire parce que c'est aussi ça le quotidien des classes. Merci beaucoup pour ce message d'espoir sur le travail que mènent les enseignants aujourd'hui en classe. Une émission préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Élise Leheu était aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation.